بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, l'infiniment miséricordieux, celui qui fait largement miséricorde. إذا جاء نصر الله والفتح. Lorsque viendra le secours d'Allah ainsi que la victoire. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Et que tu verras les gens embrasser, par groupes successifs, la religion d'Allah. فسبح بحمد ربك واستغفر. إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Déclare pureté à ton Seigneur, célèbre sa louange, et implore son pardon. Car il ne cesse d'accueillir le repentir.